Je suis même presque sûr que c'est vous, on va voir rapidement. Ah non, mais c'est fini maintenant. On va plus de temps, vous voyez bien. Non, non, mais maintenant, ils ont changé le truc. C'est vrai. Non, pas l'heure, mais en fait, le truc, on va plus de temps. Avant, vous voyez bien. Moi, je vois pas. Avant, vous voyez bien, maintenant, on va plus de temps. C'était arrivé, c'était bien. Ah, ben, j'ai vos yeux qui vont pas. Ah, c'est eux. Ah, tu peux pas leur brouiller leur main. On regarde la montre. Oui. Mais écoutez, présentez-moi. Présentez-moi 1 000 francs, tout ça, je vous prie. Vous avez même de la chance, si vous pouvez voir l'heure, que vous fassiez porter. Oui, c'est ce que je dis. Mais je vous l'avais dit, moi, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, je passe en ville, je suis pressé. Je demande à une bonne femme verte et de 500 francs. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ceux qui donnent aux distributeurs, c'est des nouveaux. C'est tous des nouveaux maintenant qui donnent. C'est des nouveaux, oui. Ma fortune, elle ne va jamais au-delà. Moi, c'est tout ce que je veux. Mais on peut les changer à la banque quand les gens sont en banque. Un an. 10 ans. Mais après, la banque de Oui, mais oh, pour voir ce que c'est là, il faut le chercher quand c'est fermé. Ah, bon. Allez, lève-toi, regarde, oui, il est bien, il est au chaud, il est sur la moquette. Il doit être malade par rapport au temps. Vous avez déjà entendu parler? S'il est là-haut, oui, même le voisin, parce qu'il ne cause pas, ils vont s'aggraver. Ah oui, il y a mes rangs. Quand ils se tirent dans la marque, dans le sang, la boîte s'en met. Oui, c'est le chien. C'est le chien. Le chien qui est photographié.